Donc, unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration, c'est l'unifier avec notre dévotion, avec notre soumission. L'unifier subhanahu wa ta'ala avec nos invocations. On n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne demande qu'à Allah. On implore le secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on place notre confiance en lui seul. Et on ne voue aucune de nos adorations à autre qu'Allah. Car celui qui voue une de ses adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu avec son acte un associateur. Il est sorti de l'islam. Wallahu al-musta'an. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé de même qu'à ceux qui ont vécu avant toi. Si tu prêtes des associés à Allah, nuls seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Ça, c'est un discours à notre prophète, alayhi salatu wassalam. À la base. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Il t'a été révélé, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, de même qu'il a été révélé à tous les prophètes et messagers d'avant toi, sans exception. Qu'est-ce qui leur a été révélé? Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront caduques et tu seras du nombre des perdants. Qui s'éterniseront dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Adore plutôt Allah et sois parmi les reconnaissants. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ils n'ont point estimé Allah à sa juste valeur. C'est ça la cause de shirk. C'est qu'ils ne connaissent pas Allah comme il se doit. C'est l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont point estimé Allah à sa juste valeur. S'ils l'avaient estimé à sa juste valeur, jamais ils lui auraient donné un égal dans aucune de ses caractéristiques propres à lui. C'est pour ça, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé le livre de l'unicité avec l'obligation de tawhid. Il l'a terminé avec l'estime qu'on doit avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand cette estime disparaît du cœur, la personne sort de tawhid. Ça, c'est tawhid al-uluhiyya. Toutes nos adorations doivent être à Allah seul. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ma salat, mon sacrifice, mon immolation, ma vie, ma mort, tout ça ne revient de droit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers.